Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 5 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, une série de Madeleine Mukamabano, réalisée par Mehdi Eladj et remontée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a la 25e commémoration d'un funeste printemps et une série qui a fait date et qu'on est fier de rediffuser, mais sous un autre format puisqu'au départ il y avait 5 épisodes de 75 minutes. En 1999, la journaliste franco-rwandaise Madeleine Mukamabano était allée enregistrer les témoignages de rescapés, mais aussi de certains génocidaires et de plusieurs intellectuels condamnés à revivre ensemble. Alors pour commencer, les personnages. Une journaliste qu'on n'oublie pas, un anthropologue qui explique, un journaliste exubérant, des exilés qui n'en peuvent plus, une femme qui n'a rien oublié, un génocidaire déterminé et enthousiaste, et un homme encore stupéfait qui a pu se cacher. Ensuite, le décor. L'amnésie, le silence, la colonisation, Batwa, Hutu, Tutsi, des pogroms, des politiques d'extermination, des rues semées de cadavres, une radio épouvantable, une prison, de la latérite, des tueries organisées comme des fêtes, des chansons à tuer, la peur, une commune indemne, l'obéissance, le conditionnement et une église qui a semé la haine. Aujourd'hui, premier épisode, on entend les oiseaux, c'est tout. Rwanda, 1999. Revivre à tout prix. Mehdi Eladj, Madeleine Mukamabano. Nous sommes sur la colline de Rwintare, en amont du lac Mwazi, au nord-est de la capitale Kigali. D'ici, on domine le haut plateau couleur émeraude qui s'étendent jusqu'à la frontière tanzanienne. Et lorsque la brume du matin se lève, on peut apercevoir au loin, dans le nord, la chaîne des volcans. Autrefois, on racontait aux enfants que les esprits des morts habitaient les volcans et que derrière les glaciers du Kalisimbi se trouvaient les piliers de la voûte céleste. C'est le printemps au Rwanda. Le mois de mai y est aussi appelé le mois du lait. À Rwintare, comme dans tout le pays, c'est une explosion de couleurs. Le vert et le jaune dominent, mais on distingue aussi au détour d'un champ de sorgho des nuances de rouge, d'ocre, de rose, de gris ou encore de blanc. Tous les flancs de la colline ont été soigneusement cultivés en terrasse. En 30 ans, Rwintare a changé de visage. Les grands pâturages qui s'étendaient du plateau au lac ont cédé la place aux champs de pommes de terre, de petits pois ou de manioc. Des cultures à perte de vue. Dans la lumière bleue de cette fin d'après-midi, les paysans de Rwintare, apparemment heureux, se sont réunis autour de la buvette du village. Ils y sirotent du vin de banane. Tout y est silencieux. Il y a Mathias, vieux et édenté. En 1961, il était le plus assidu des tueurs. Il ne voulait épargner aucun enfant Tutsi. Athanase, lui, à l'époque, s'était opposé au massacre et il a perdu son poste de bourgmestre. À ses côtés, Rugina, le Mutwa qui faisait le pitre devant l'école où il n'a jamais pu être admis. Il n'est pas devenu potier et au matofère comme son père. Il est agriculteur et possède une jolie maison près du lac. Il y a aussi Chemera. Il paraît qu'il a marié la seule de ses filles qui a survécu au génocide, au fils de Mathias. Aujourd'hui, la grande majorité des habitants de Rwintare sont des gens de plus de 50 ans ou des enfants. Une génération manque. Mais personne à Rwintare ne dira où elle est passée, morte ou en prison. Ici, l'amnésie et le silence sont une tradition. Depuis 1961, les Hutus tuent les Tutsis. Après chaque massacre, on oublie les morts dans leurs fosses communes, au pied de l'effort au candélabre, et la vie reprend son cours, rythmée par les travaux des champs, jusqu'à la prochaine flambée de violence. Ici, les rescapés se comptent sur les doigts de la main. Vous avez dû voir que tout au long de la route, il n'y a plus de guérines. Il ne reste plus que trois Tutsis. Ici, tous les Hutus ont participé au génocide. Toutes les maisons qui sont encore debout sont celles des Hutus. Tous ces jeunes que vous voyez ont tué. De montrer les génocidaires d'ici qui sont en liberté, je ne veux pas le faire. C'est une tâche qui revient aux autorités. Je ne peux pas te les désigner, je ne veux pas te mêler à tout ça. Si je le fais, ça va semer le trouble dans la population. Les gens vont penser que nous les avons dénoncés et que tu viens nous venger. Le 7 avril 1994, débutait le génocide rwandais. À l'espace de 3 mois, il fera entre 800 000 et 1 million de victimes, principalement des Tutsis, mais aussi des Hutus opposés au régime. Des soldats, des miliciens et de simples civils ont massacré leurs concitoyens comme on accomplit un devoir civique. À l'aube de cette extermination massive, le Rwanda comptait 7 millions d'habitants. On estime à plus d'un million le nombre de Hutus ayant participé au massacre. Aujourd'hui, chaque famille rwandaise compte une victime, un assassin ou les deux. La communauté internationale a très vite reconnu le génocide des Tutsis pour l'oublier aussitôt. Il n'y a pas eu de force internationale pour désarmer, arrêter les coupables ou pour s'interposer entre les communautés. Pas d'équipe de psychologues pour assister les assassins et les rescapés. 5 ans après les faits, bourreaux et victimes se côtoient et réapprennent à vivre ensemble malgré la peur et la méfiance. Ce soir, les racines du mal. La réalité, c'est que le Rwanda, de mémoire populaire et culturelle des Banyarwanda, des Rwandais, il y a toujours eu 3 groupes. Damien Rouyera, anthropologue. Les Hutus, les Tutsis, les Twa. Dans les termes rwandais, c'est Bahutu, Batutsi, Batwa. Et que ces groupes ont toujours vécu en bonne intelligence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit. Mais que les Hutus aient été identifiés, ou les Tutsis, ou les Batwa, identifiés comme étant les ennemis les uns des autres, ça a été nouveau depuis 1959. Cet ensemble qui était en plus imbriqué dans les clans du Rwanda, il y a 18 clans au Rwanda, comprennent tout aussi bien, chaque clan comprend tout aussi bien Bahutu, Batutsi, Batwa. Donc on peut dire que les groupes existent bel et bien depuis longtemps. On peut dire qu'ils peuvent se spécialiser selon l'activité socio-économique. Mais aussi, on dit également que la distinction ne se faisait pas comme elle a été faite depuis la colonisation. Il n'y a pas de Rwanda sans toi, il n'y a pas de Rwanda sans Hutu, il n'y a pas de Rwanda sans Tutsi. Eli est un personnage haut en couleur, à la fois loufoque et tragique. Si ses exubérances sont connues de tout Kigali, il n'en est pas moins l'un des plus fins analystes de la société rwandaise. Il est le seul Mutois à occuper le devant de la scène en tant que membre de la Commission nationale de réconciliation, mais il est surtout le directeur de publication de l'Ère de liberté, un mensuel dont les coups de griffe sont redoutés par l'ensemble de la classe politique. Les Batois, selon notre histoire, ont été considérés comme les enfants chéris du roi, selon l'histoire rwandaise, les bouffons du roi, les gens qui égayaient surtout la cour royale. Et ils vivaient aussi, selon l'histoire rwandaise et traditionnelle, ils étaient pris pour des hommes proches du roi, surtout pour les mener de batailles que le Rwanda a connues dans l'histoire contemporaine. Mais, suivant la chorégraphie de la cour royale, les batois ont une spécificité dans la chanson rwandaise. Les rythmes envoûtants des batois ont fait de ces hommes en fâcherie du roi. En fait, pour pénétrer dans les entrailles du roi, pour pénétrer dans les familles royales, ils ont gagné le pari grâce à leur rythme spécifique, voilà, à la chanson traditionnelle, que les batois ont donné une contribution remarquable. À l'époque Tutsi, les batois se sentaient bien accueillis dans la société rwandaise. Les batois chantaient, participaient à la guerre, et les Tutsis reconnaissaient leur valeur comme des gens qui participent à la souveraineté de notre pays, qui participent à l'existence même de notre société. À l'époque des Hutus, les Hutus n'ont jamais reconnu les valeurs des Batois. Les Hutus ont reconnu des Batois comme alliés directs des Tutsis, comme complices des Tutsis. Ça, c'est la voix dédiée des Batois. Ça, je voulais vous montrer que dans nos sons, dans nos rythmes, dans nos voix ensorcelées, il y a quelque chose d'envoûtant, il y a quelque chose de spécificité. C'est la chorégraphie des Batois. Le pouvoir était détenu de manière hiérarchique par la monarchie au-dessus de la pyramide qui était issue d'un clan ou de clan Tutsi, mais dès qu'il devenait roi ou reine, n'était plus, comme le dit la tradition, ni Hutu, ni Tutsi, ni toi. Et ensuite, sur le plan socio-économique, vous aviez des régions entièrement dirigées par des chefs Hutus, des régions entièrement dirigées par des chefs Tutsi, mais avec des Hutus dedans et des Batois dedans, bien entendu, parce que la complexité du Rwanda est telle qu'il n'y a jamais eu, comme en Afrique de l'Ouest, de vraies ethnies, chacune détenant un morceau du territoire et à l'exclusion de l'autre. C'est qu'on a toujours habité les uns à côté des autres, en habitat dispersé. Mais sur le plan du pouvoir, eh bien, vous aviez des riches terriens, par exemple dans le Nord, où il n'y a jamais eu de chefs Tutsi, mais les chefs Hutus qui gouvernaient le Nord, par exemple, faisaient allégeance au roi, puisque le roi était le point d'union nationale, parce qu'il faut bien le dire, le Rwanda, à la différence de beaucoup de pays africains, avant la colonisation, le Rwanda était une nation. Dès le 15e siècle, maintenant on le sait dans l'histoire, on avait tout aussi bien un roi Tutsi au-dessus de tout le monde sur le plan de l'organisation symbolique et hiérarchique, mais on avait aussi ce qu'on a appelé des petits rois Hutus et qui existaient. D'ailleurs, les deux petits rois Hutus pluviateurs du sud-ouest du côté de Kyangugu ont été tués tout simplement par la colonisation belge en 1925. Donc, pour montrer bien que le pouvoir était détenu par les trois groupes, en tout cas à différents échelons, et même à l'échelon le plus haut, c'est-à-dire dans le pouvoir ésotérique, ce qui présidait à l'intronisation du roi, eh bien c'était majoritairement des Hutus. L'équilibre a été petit à petit rompu dans la mesure où la colonisation a voulu identifier et s'appuyer sur un des groupes pour les besoins de la colonisation, pour le pouvoir. En l'occurrence, la colonisation, qu'elle soit allemande ou belge, surtout belge en administration, a voulu s'appuyer sur les Tutsis. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas seulement s'appuyer sur les Tutsis. C'est qu'on a brisé, et ça c'est la colonisation, pas seulement au Rwanda, mais un peu partout, mais particulièrement au Rwanda, puisque le Rwanda est devenu très chrétien, à la fois colonisation et Église catholique, on a brisé l'ensemble des liens sociaux, l'ensemble de l'organisation symbolique de la population rwandaise. Non seulement on a figé les groupes, mais on les a traduits en termes moyenâgeux de seigneurs, serviteurs. Donc on a redistribué les fonctions, on a figé ces fonctions, on a réécrit l'histoire du Rwanda avec Tutsi au-dessus de la pyramide, Hutu ensuite, et le Mutwa qui était oublié en bas de la pyramide. Dans les années 50 déjà, l'administration belge a voulu rééquilibrer le problème qu'il avait posé entre Hutu et Tutsi. Et on a commencé, avec l'accord du roi, Rudahigwa, de l'époque, on a commencé à renommer des chefs Hutu dans les chefferies au Rwanda. Et cette réforme a abouti à quelque chose d'aberrant, puisque la royauté demandait l'indépendance et que la Belgique ne voulait pas entendre parler de cela. Et ils ont monté tout simplement un groupe de Hutus pour pouvoir continuer à coloniser. Et donc ce groupe-là a réclamé un rééquilibrage social uniquement et ne voulait pas entendre parler de l'indépendance. Et donc du coup, la Belgique a fait ce qu'on a appelé, d'ailleurs des auteurs belges le disent bien, par exemple le colonel Le Guist, on a fait de la révolution assistée. C'est-à-dire qu'en 1959, on a incité des Hutus à chasser les Tutsis, c'était les premiers pogroms, à chasser les Tutsis, à les mettre dehors. On a commencé à leur dénier leur droit d'être Rwandais, et voilà que tout d'un coup, ils deviennent non plus des Rwandais, mais des gens venus d'ailleurs qu'il faut chasser. Il fallait les renvoyer chez eux d'où ils sont venus, autrement dit en Abyssinie, d'où ils sont venus, en Éthiopie, et qu'ils doivent passer par le fleuve Nil. Et ça sera réalisé réellement. Toutes les télévisions du monde l'ont montré en 1994, puisqu'on tuait des Tutsis, on les jetait dans les rivières, lesquelles aboutissaient à un fleuve qui s'appelle Akagera, laquelle aboutissait à Nuganda, dans le lac Victoria. Et du lac Victoria sort le Nil. Ignace, un bras et une jambe atrophiés par des coups de massue, peine à se mettre debout lorsque nous le croisons près d'une buvette à Gitagata, au sud-est de Kigali. L'homme semble sans âge, un peu amer. Il est l'un des rares rescapés de sa localité et son histoire se confond avec celle du Rwanda. En 1963, il y eut une petite guerre. On disait que c'était les Inyensi, les Kankrela, venus de l'extérieur. Ici, les Tutsis ont été fusillés par centaines. Certains ont fui, d'autres ont survécu et recommencé à vivre. 1966, il y a eu une autre guerre. Et de nouveau, on a commencé à tuer les Tutsis en plein jour. C'était le gouvernement qui les tuait. Après les fusils de Belges, c'était les fusils des Rwandais. Il y a eu de nouveau beaucoup de morts. Puis ça s'est calmé. Il y a eu encore une guerre en 1973. On persécutait les Tutsis, surtout les jeunes scolarisés. Beaucoup ont été tués par des civils Hutus. D'autres, en grand nombre, ont pris le chemin de l'exil. Grâce à Dieu, je suis passé au travers de tout ça. Damien Royera. En 1959, démarre un cycle de massacres et de renvois de Tutsis dans les pays environnants, dans les pays limitrophes surtout, et à l'extérieur plus loin. Et donc, 59, 63, 66, 72, et même du fait de la discrimination totale sur les cartes d'identité, et donc de ce qu'on a appelé l'équilibre régional et ethnique pour entrer dans les écoles, pour entrer dans la fonction publique, tout cela fait que vague après vague, des Tutsis se sont exilés à l'extérieur, allant grossir chaque fois le nombre, et jusqu'à ce que, en 1990, la guerre éclate. En 1990, les Rwandais exilés voulaient rentrer. On leur a refusé ce droit. Ils ont déclenché une guerre contre le gouvernement de Habyarimana. Ici, dans le pays, beaucoup de Tutsis ont été massacrés comme complices des exilés. D'autres ont été emprisonnés. C'est mon cas. J'ai été emprisonné avec mes deux filles. Puis ça s'est calmé. La guerre de 1990 est déclenchée par des exilés Tutsis, surtout venus d'Ouganda, parce que majoritairement ces Tutsis étaient en Ouganda et avaient essayé par tous les moyens, notamment par la voix de leurs aînés, qui faisaient de la politique du temps où ils ont été chassés en 1959, ils ont essayé d'entrer au Rwanda pacifiquement. Au fond, en 10 ans, ça fait 30 ans que l'indépendance du Rwanda a été acquise. Ça fait 30 ans que le régime de Habyarimana proclame la paix. Et donc, il est grand temps qu'on puisse rentrer. Dès 1986, le parti unique de Habyarimana proclame que le pays est petit et qu'il ne saurait être question qu'aucun réfugié puisse rentrer dans le pays. Et que à la limite, on peut admettre que l'un ou l'autre puisse venir visiter ses parents. Donc, 1990, la guerre est déclenchée, puisqu'il n'y avait plus moyen de discuter. Et à ce moment-là, le régime met au point, d'ailleurs, on se rend compte qu'il avait mis le plan au point avant, parce qu'il ne l'a pas improvisé, met au point un système de tuerie. D'abord, en emprisonnant 10 000 Tutsis majoritairement et en les faisant assassiner pour pas mal d'entre eux dans les prisons, met au point un système de tuerie de plus en plus massif, notamment dans le nord, un groupe de Tutsis dans le nord du pays, dans le nord-ouest, dans le sud-est. Et entre 1990 et 1994, pendant que à Arusha, il y a des négociations qui se font entre le régime et le FPR, le Front Patriotique Rwandais, la rébellion, le régime a mis au point une série de mesures qui aboutiront au génocide, donc tuerie de plus en plus graduée, de plus en plus massif. journaux indépendants, dits indépendants, qui distillent l'idéologie de tuer le Tutsi, parce qu'il doit être tué, puisque les 10 commandements des Hutus qui sont proclamés et qui visent à montrer l'ennemi du Rwanda, donc l'ennemi des Hutus, c'est le Tutsi, celui qui a épousé les Tutsis, celui qui est avec les Tutsis. Le dernier commandement des 10 commandements des Hutus dit qu'un bon Tutsi, c'est un Tutsi mort, c'est un Tutsi tué. Et c'est ainsi qu'il a créé le concept de Hutu Power. Et le Hutu Power, c'est le pouvoir des Hutus et qui doit être au-dessus, qui doit gouverner le Rwanda, mais le Rwanda débarrassé de tout Tutsi. Léa habitait le quartier sud de Kigali en avril 1994. Très tôt le matin, sur les ondes de la radio, on a interdit toute sortie. Donc tout le monde était assigné à la maison. Donc je suis restée chez moi à attendre. Et je ne sais pas quoi, mais il nous était interdit de sortir des maisons. Donc on était là à attendre. Mais en fait, les massacres avaient commencé. Et puis, donc j'ai su, comme je ne pouvais pas sortir, par les voisins autour qui pouvaient sortir, qu'il y avait des tueries partout. Les premiers jours, ça se passait très bien, donc entre les voisins et nous, tout aussi. Mais au fur et à mesure que les massacres prenaient une grande ampleur, les Hutus, donc nos voisins, finalement aussi, ont basculé là-dedans. Et aussi, se sont mis à tuer. Je suis partie de chez moi parce que sinon, ils allaient me tuer finalement. Je me suis réfugiée chez des gens que je ne connaissais pas. On a traversé... le quartier, mais c'était pas très très loin, c'était à quelques mètres parce qu'on pouvait pas aller loin. Mais par contre, on a traversé un boulevard et on voyait des cadavres partout, partout. On est passé au-dessus des cadavres pour fuir. Un bonjour aussi, tout particulier, à tous nos militaires, à tous les agents de sécurité, à tous les... jeunesse des partis et à tous les volontaires qui sont aux barrières, qui travaillent. Un bonjour aussi à tous nos médecins qui ont largement du travail aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui dimanche 5 juin 1994. Nous sommes là toujours à Kigali avec vous. Pour la population de Kigali, ne vous effrayez pas les quelques tirs sporadiques que vous avez entendus ce matin. Nous sommes en train de faire la fête aux Inyenzi. Cette fête, c'est aujourd'hui 5 juin. Demain, c'est le débarquement. Et le débarquement, vous savez ce que ça veut dire. RTLM, la radio-télévision libre des mille collines. À nous renforcer que c'est la période où le peuple rwandais commence de plus en plus par son fort intérieur à prendre conscience que le FPR... n'est manifestement qu'une machine barbare et qu'une machine... Ils ne nous ont pas trouvés tout de suite. Mais une semaine après, ils ont su où nous étions. Donc ils sont venus encore. Et là, on a essayé de donner tout ce qu'on avait, l'argent, les bijoux, tout, tout. On a tout donné. Aujourd'hui, ils venaient, on donnait l'argent. Demain, on donnait des bijoux. Jusqu'au jour où on n'avait plus rien. Et là encore, on a fui, on est parti encore de cet endroit. La La prison centrale de Kigali est un petit fortin de style colonial, construit par les Belges en 1930. Dans la cour à la Territe, des prisonniers en tenue rose d'une propreté impeccable vaquent à leurs occupations. Certains rentrent des chantiers situés à l'extérieur de la prison, d'autres s'affairent dans des ateliers de couture. Ici, pas de surveillant pour guider le visiteur. On circule librement au milieu de 8000 tueurs présumés, accompagnés par Jean-Christophe, capitaine et responsable des prisonniers, lui-même incarcéré pour génocide. Ici, la prison, je vous ai dit qu'il y a à peu près 7500 personnes aux environs. Normalement, elle était prévue pour 2500. C'est sûr que c'est surpeuplé. Et les gens passent la nuit ici à l'extérieur. Les tentes que vous voyez en bleu, en vert ou en gris sont les tentes qu'on aménage pour pouvoir se couvrir contre la pluie. On reste perplexe devant l'attitude de François. Ce jeune homme de 24 ans qui raconte son épopée sanglante avec légèreté, voire avec une pointe de fierté, semble tout à fait normal. Regard franc, de belle manière, un sourire angélique. Comment imaginer qu'il puisse incarner le mal? Je suis en prison pour avoir tué 4 personnes. Il y a une voiture qui est passée avec un haut-parleur. On annonçait que chaque Hutu devait se défendre, qu'il y avait un seul ennemi, le Tutsi. J'ai entendu ça, c'était le matin. J'ai sauté hors du lit, j'ai pris ma massue, je suis sorti et j'ai commencé à tuer. Il y avait une vieille dame dans les environs, près de chez Vianney, avec deux jeunes enfants qui n'avaient pas l'âge d'aller à l'école. On les avait sortis et placés près d'une fosse. Un certain Sibomana m'a donné une massue. J'ai tué les enfants et lui a tué la vieille. Puis nous sommes montés et nous avons trouvé un vieillard qui se cachait derrière une maison. Je l'ai assommé avec une massue. Quand nous l'avons quitté, il était en train d'agoniser. Je ne connaissais pas très bien les gens que j'ai tués. On nous a juste dit qu'il fallait pourchasser les Tutsis et nous avons commencé à les massacrer. En ce qui me concerne, personne ne m'a forcé à le faire. C'est quelque chose qui a germé comme ça dans ma tête. J'ai vu les gens envahir les collines en disant qu'ils traquaient les Tutsis. J'ai couru les rejoindre. Partout où j'arrivais, il y avait une foule qui encerclait les Tutsis. J'étais le premier à tuer. Je croyais pas mal faire au moment des faits. C'est quand j'étais arrêté que j'ai réalisé que j'avais commis des crimes. C'est quand j'ai vu les conséquences que j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas bien. Quand je tuais, je pensais qu'il n'y avait aucun problème, qu'il n'y aurait pas de conséquences, puisque les autorités disaient que les Tutsis étaient des ennemis. J'avais des voisins Tutsis. On partageait tout, l'eau. Il n'y avait aucun problème entre nous. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tous ces événements. La méchanceté était à la mode. Et comment dire? Jusqu'à présent, les raisons pour lesquelles nous avons tué ne sont pas claires pour moi. J'ai 30 ans. J'ai été arrêté le 28 septembre 1994 et je n'ai pas encore été jugé. J'ai juste tué une personne. C'est un responsable communal qui m'a obligé à le faire. J'étais journalier sur un chantier. Un responsable communal a attrapé un homme. Et il m'a ordonné de le tuer. Il a menacé de me tuer si je n'obéissais pas, en disant qu'après tout, j'étais peut-être un Tutsi du Nord qui se cachait parmi eux. Je n'ai pas prémédité mon crime. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai accompagné deux groupes différents de tueurs. Ils étaient heureux. Ils buvaient. Ils pillaient. Et une fois, l'un des groupes a tué 6 personnes. Les tueurs disaient que les victimes étaient des complices des cancrelats. Chaque groupe de tueurs avait à sa tête un responsable administratif qui savait qui il fallait tuer. Les simples citoyens suivaient les instructions. Les moyens, outre les moyens matériels d'achat de machettes qui étaient prévus, qui étaient stockés, d'armement et d'entraînement des miliciens et de l'armement, il y a un moyen très efficace, c'est celui de l'organisation de la société rwandaise depuis le président jusqu'au dernier, à la dernière personne qui commande 10 maisons. Damien la plus petite unité de l'organisation, c'est 10 maisons. Ainsi donc, vous avez les ministères, vous avez les préfectures, les communes, vous avez les secteurs, vous avez les cellules et vous avez 10 maisons. Et cette organisation-là, si on y ajoute le conditionnement qui a été fait depuis très longtemps, je l'ai dit, depuis 1959, de tout Hutu à avoir comme ennemi le Tutsi, eh bien, tout ordre qui est donné depuis l'euro est exécuté jusqu'en bas, sans état d'âme, et toute information dont la hiérarchie au très haut niveau a besoin, elle est recueillie immédiatement depuis les 10 maisons, en passant par la cellule, le secteur, la préfecture, et les ministères. Donc je dirais que c'est un génocide bureaucratique. Et la radio, on sait quel est le rôle qu'elle peut jouer. Mais là, au Rwanda, elle a joué encore un rôle très important, puisque à côté de la radio d'État, il s'est créé dans le but du génocide, maintenant c'est attesté tout de même, une radio-télévision des Mille Collines, laquelle était animée par des gens qui étaient conditionnés à animer cette radio ainsi, et qui donnait ordre au-dessus de toute la mêlée, au cas où il y aurait des gens qui auraient des cas de conscience, hein, des problèmes de conscience, dirais-je. Au cas où il y aurait ces problèmes de conscience, eh bien la radio donnait les ordres et animait la tuerie. Avec de la musique excitante pour les jeunes, avec de l'animation, véritablement, pour dire « là, vous n'avez pas fait, là, vous avez fait, bravo, félicitations, continuez, les trous ne sont pas encore pleins, etc. » Si, par exemple, un milicien ou un militaire passait à côté de la maison et qu'il attendait et il entendait écouter une autre radio, qui est la radio des Mille Collines, Léa. Soit par exemple la radio nationale ou les radios étrangères, était mort tout de suite. Donc il fallait leur faire plaisir, écouter ce qu'ils voulaient que la population écoute. Quoi. Et c'est. Et il appelait donc la population Hutu à massacrer tous les Tutsis. Ils indiquaient même les habitations de certaines personnes en les rappelant « Est-ce que vous avez été chez tel ? Est-ce que vous avez été chez tel ?» Et tout de suite, ils allaient chez la personne qui était indiquée par cette radio. On l'écoutait. Est-ce que vous vous rappelez de certains slogans ou de certains messages ou communiqués qui passaient sur la RTLM? Oui, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Les Tutsis, ils ne sont pas faits pour vivre. Il faut les tuer. Même les femmes enceintes, il faut les découper en morceaux, il faut les éventrer pour sortir le bébé. Et ce qui a été fait. Donc il faut tuer le Tutsi jusqu'à la racine. Pour éviter qu'ils grandissent, qu'ils aillent à l'étranger et qu'ils reviennent plus tard. Comme c'était le cas pour le FBR, c'est ce qu'il disait. Si on les avait tués dans les années 60, ils ne seraient pas revenus en 90. Entre-temps, il y avait de la musique, mais c'était la musique aussi dans ce sens-là. Il y avait des slogans, il y avait des gens qui chantaient pour ces occasions. C'était des chansons aussi qui appelaient à la haine. Et les chansons et ce qu'ils disaient les journalistes, c'était pareil. Sur les affaires, en ne résistant pas. On sait qu'il y a eu des résistances. Mais majoritairement, les gens étaient conditionnés à mourir, puisque depuis 1959, on a toujours dit que s'il se passe quelque chose, on va tuer les Tutsis. Et tout Tutsi savait qu'il pouvait être tué. Et il le savait tellement que quand on est venu le tuer, certains ont dit « Ok, tuez-moi. Et le son conditionnement a été tel que les Tutsis n'ont même pas, beaucoup n'ont même pas cherché à dire « Mais vous étiez mon ami, pourquoi vous venez me tuer ? Qu'est-ce que c'est ?» Puisqu'on lui a dit « Vous êtes Tutsi, vous devez mourir. » Et il s'attendait à mourir, donc il est mort. Certains allaient jusqu'à payer pour mourir convenablement, pour qu'on puisse tirer une balle au lieu de le tuer par la machette. Certains demandaient qu'on ne les tue pas à tel endroit devant leurs enfants, hein, mais peut-être plus loin, peine perdue puisqu'on les tuait tous ensemble. Donc il y a ce conditionnement est problématique tout de même, est problématique parce que à la fois on a conditionné les uns à tuer, à la fois on a conditionné les autres à ne pas tuer, et pour moi ça reste un grand problème. On avait peur, mais je crois qu'on avait aussi peut-être dépassé ce stade-là d'avoir peur. On était comme des somnambules. Tu étais insensible, tu étais déjà mort, quoi, de peur. Le soir, on remarquait qu'il y avait des tirs à gauche, à droite. Des fois, on sortait de la maison pour se mettre au travers des balles. Au moins, tu te disais, je vais mourir d'une balle, au lieu d'être découpé en morceaux. On appelait la mort. La majorité des Rwandais vivent à la campagne. C'est là que s'organisèrent les principaux foyers de résistance. Et c'est aussi là que les massacres firent le plus de victimes. Dans la commune Bucumbi, tout près de Kigali, la quasi-totalité de la population Tutsi a été exterminée. À Kanzenze, dans le sud-est, il y avait 129 000 habitants avant le génocide. Ils ne sont plus aujourd'hui que 65 000. Oruagasana est de cela. En 1994, les massacres ont atteint leur paroxysme. J'avais une famille de 80 personnes. Je suis le dernier né de mon père. Et j'avais moi-même des enfants. Je suis le seul survivant. Au début de la guerre, j'habitais près d'ici. C'est là que je suis né. Quand les attaques ont commencé, les tueurs n'étaient pas des étrangers. C'étaient mes voisins. Ils sont venus très tôt avec des machettes, des lances, des massues. Ma femme venait d'accoucher. Ils les ont tués. Elle et le bébé. En fait, la veille, les tueurs sont arrivés en masse vers 6 heures. On aurait dit des lycéens à la sortie des cours. Ils ont d'abord tué les hommes et les garçons. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas tuer les femmes et les filles. Moi, j'étais caché derrière mon domicile, dans un champ de sorgho, avec deux de mes voisins. Les femmes et les filles de notre localité se sont toutes réfugiées chez moi. Elles ont passé une nuit blanche chez moi, à attendre, sans boire ni manger, sans faire aucun bruit. Vers 15 heures, un militaire est arrivé à mon domicile. Il a dit aux tueurs qui gardaient les femmes, « Tuez tout le monde, y compris le chat de la maison. » Ils ont jeté 75 corps dans la fosse septique de ma maison. Voilà. Alors je me suis dirigé vers les marais avec mes compagnons. De tous les côtés, c'était le carnage. On voulait aller vers le Burundi, mais pas moyen de se frayer un chemin. Il y avait des barrages de tueurs partout. Un barrage toutes les deux maisons. Dès qu'on essayait de sortir des marais, ils nous pourchassaient à travers les champs de sorgho. Les marais. Comment te raconter tout ça? Enfin, comme la mort ne voulait pas de nous, nous avons tout de même réussi à atteindre le Burundi. La particularité du génocide au Rwandais est d'avoir été commis principalement par des civils. Les voisins ont tué leurs voisins, sans haine et souvent sans état d'âme. L'histoire politique du Rwanda et l'encadrement des populations par un système administratif efficace ne suffisent pas à expliquer l'adhésion populaire au projet macabre des autorités. Sans doute, faut-il rappeler que sur les 157 communes que compte le Rwanda, une seule n'a pas pris part au massacre, tout simplement parce que le bourgmestre s'y est opposé. La commune Giti, au nord-est de Kigali, affiche fièrement à l'entrée de la municipalité une pancarte délavée. Ici, on n'a pas fait le génocide. Comment ça s'est fait? Le comment, c'est que pendant très longtemps, dans la culture rwandaise, il y a une vertu d'obéissance. On obéit à plus ancien que soi, on obéit à plus âgé que soi, on obéit à l'autorité. Et bien évidemment, jusque-là, l'autorité n'a jamais donné d'ordre de tuer massivement. On n'a pas cela dans l'histoire du Rwanda. Mais pour le coup, quand l'autorité s'est mise à ordonner les tueries massives, les populations ont accepté parce qu'au fond, il y a le conditionnement. Il y a le fait qu'on vous dise « le Tutsi est votre ennemi » et il y a le fait qu'on vous dise que c'est bon, que c'est bien de tuer. Et ce conditionnement, cette obéissance, qui passe par la hiérarchie, qui passe par l'organisation sociale, fait que les Rwandais, les Bahutus en général, ont accepté, sans état d'âme, de tuer. Mais il y a plus. Il y a que la colonisation, la christianisation et les régimes totalitaires à parti unique ont façonné un Rwanda nouveau, débarrassé de tous les liens sociaux, débarrassé des rituels qui unissaient les Hutus et les Tutsis. Par exemple, le rituel du Kubanwa, qui était un rituel d'initiation, permettait à tous ceux qui, ou plus exactement, unissaient tellement ceux qui l'avaient pratiqué ensemble, dans celui d'une colline par exemple, Hutu et Tutsi, de telle sorte que celui qui a été dans ce rituel ne peut pas, n'a pas le droit, sous peine de mourir subitement lui-même, n'a pas le droit de tuer, d'empoisonner ou de faire du mal à celui qui a pratiqué le même rituel. Également, les pactes de sang qui étaient faits entre chef Hutu, chef Tutsi, simple Hutu, simple Tutsi et simple Mutois, eh bien, ces pactes du sang, d'ailleurs, qui sont universels, permettaient aux gens de resserrer les liens sociaux sur tout le territoire. On avait des gens du nord et du sud qui faisaient des pactes du sang. Eh bien, quelqu'un qui a fait le pacte du sang, non seulement ne peut pas tuer, mais il est en droit de vous assister immédiatement si vous êtes attaqué. Voilà une chose qui était supprimée. De même pour la fête des moissons. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Donc tout cela était fait pour la cohésion sociale, était fait pour que les gens se sentent unis et effectivement ne puissent faire de tort à des pères. Il y avait même des règles. Si quelqu'un est chez vous, vous ne pouvez pas le tuer. Il faut attendre qu'il soit en dehors de votre propriété, s'il est votre ennemi. Et tout cela a été supprimé. Et cela a été supprimé. On a dit que l'Église a rejeté les balivernes, a rejeté le paganisme. Et il y a un proverbe rwandais. Vous savez que les proverbes se forment petit à petit dans l'histoire des peuples. Eh bien, un nouveau proverbe rwandais, après la christianisation du Rwanda, était que l'Église a interdit l'interdit. Et bien évidemment, si vous enlevez les tabous, si vous enlevez l'interdit, si vous ne permettez plus aux gens d'obéir à une puissance supérieure qui transcende la communauté, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités de tuer sans état d'âme. Rwanda, des racines du mal, avec Kalisa Rugano, Elim Paimana, Léa, Damien Rueguera, Ignace, Didas Ouagasana, Marthe et les détenus de la prison centrale de Kigali, les habitants de Guintaré, et avec les voix de Sonia Emmanuel, Christine Bernard et Thierry Beauchon. Le problème au Rwanda, c'est que presque tout le monde souffre. C'est souvent un petit incident qui te replonge dans les événements que tu as vécu. Par exemple, j'ai perdu ma femme et je voudrais me remarier. La tradition veut que ce soit mon père ou mon oncle qui fasse la demande de mariage en mon nom. Comme ils ne sont plus là, j'ai dû le faire moi-même. Il faudrait qu'on apprenne à être insensible comme les arbres. C'est peut-être le seul moyen de retrouver un peu de tranquillité. Comme on ne peut pas se suicider. Rwanda 1999, revivre à tout prix. Delphine Bailera, Olivier Dupré, Philippe Bredin, Mehdi Eladj, Madeleine Mukamabano. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter au Rwanda, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, le temps des assassins. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.